par le noir tout s'est consommé. Alors je l'ai imaginé, ce fut la félicité. Car l'ombre noire fut plus propice, son âge dépassait 70. Que voulez-vous, c'est fou, moi je suis vissard, j'aime les bas noirs et les jarretelles. La dentelle. Que voulez-vous, je suis un voyou, moi je suis vissard, j'aime les bas noirs et les chaussettes et les soquettes. Et y a aussi les petites culottes, qu'est-ce que c'est bon quand on s'y frotte. Quand vous croisez ces petites chéries, on leur voit tout jusqu'au nombril, avec cette molle aura détresse. Un vicelard est toujours en liesse, un vieillard est tout de suite en caisse, la rue est un vrai lupanar, où l'on étale sans nul égard, jambes et cuisses sous nos regards. Que voulez-vous, je suis un voyou, moi je suis bizarre, j'aime les bas noirs et les chaussettes et les soquettes. Que voulez-vous, c'est fou, moi je suis comme vous, j'aime les bas noirs et les jarretelles et la dentelle. Fixe dans la rue sont les jambes que je fixe, jamais plus haut que la ceinture, quelquefois ça crée des aventures, suivant Maxi j'y pense soquette. Je suis tombé sur un anachorète.